Chapitre 22e, Paris, siège de l'UNESCO, le lendemain matin. Arrivé à Roissy la veille, le vice-premier ministre Koslov s'était levé tôt. Il en avait profité pour déguster un chocolat façon grand-mère chez Angelina, rue de Rivoli, avant d'aller à son rendez-vous. À 9h30, il parvint donc heureux et détendu devant le siège de l'UNESCO où l'attendait Andrei Gouïlev, à qui il avait demandé de l'accompagner puisqu'il avait aidé Olga à composer son discours inaugural. Il connaissait l'amitié entre l'ethnologue et le démographe. C'était Andrei qui lui avait présenté Olga lors de la conférence de Léonov à Elfo. Le bâtiment lui fit songer à une banane grisâtre qui avait autant de charme qu'une maison du peuple de l'époque stalinienne. Ces gens s'occupent de sauvegarder les plus beaux monuments du monde et siègent dans un édifice qui aurait plutôt place dans la ville minière de Magnitogorsk qu'à Paris. Ces Français ne seront jamais à une contradiction près, dit-il à Andrei, qui ne manqua pas de s'en amuser. Cela faisait 7 mois que Koslov, conseillé par son éminence grise, le tacticien Sernine, ne ménageait aucun effort pour réussir la mission qui lui avait été confiée par le président Popov, prendre le contrôle de l'UNESCO en installant une Russe au poste de directrice générale. Contrat rempli pour le vice-premier ministre, la jolie ethnologue blonde Olga Gourina succédait au Suédois Malcolm Ekman après avoir battu Halim Walid, l'ancien premier ministre sunnite libanais. Pablo Masnada, le représentant argentin au conseil exécutif, s'était retiré au second tour. Immédiatement après la proclamation officielle des résultats, Halim Walid fit une brève déclaration. « L'important pour moi, dit-il, a toujours résidé dans le dialogue des civilisations. J'attends donc de celle qui sera demain la nouvelle directrice générale qu'elle œuvre pour nouer des liens solides entre notre courant culturel et tous les autres. Ma déception ne vient pas de la compétence de la gagnante, encore moins de sa nationalité. J'ai le regret de constater qu'une fois de plus, notre sensibilité a été écartée du poste convoité. Le monde arabe et musulman n'accède toujours pas à la tête de l'UNESCO. Je souhaite que le verdict des urnes ne soit pas le rejet d'une idéologie, mais d'un candidat qui n'a pas semblé à la hauteur de la tâche proposée. J'espère que le mandat de Mme Gourina contribuera à unir nos peuples et non à creuser le fossé qui s'est fait jour durant ces 7 mois de campagne. Je pense notamment à ceux qui n'attendent pas les échéances électorales pour attiser les peurs et susciter la haine contre les musulmans. Évitant d'entrer dans le jeu de la victimisation qui fut l'axe majeur de la campagne d'Halim Walid, le conduisant à perdre bon nombre de suffrages, la nouvelle élue resta diplomate dans son intervention. « Monsieur le ministre, si après ma prise de fonction votre pays m'invite, je serai ravi de m'y rendre. À mes yeux, il est important de tendre la main à tous nos amis, y compris ceux du monde arabe. » Après cette réponse protocolaire, les salutations et les remerciements d'usage, Olga Gourina chaussa ses lunettes, sortit de son cartable le discours qu'elle devait prononcer. Dans son allocution d'investiture, elle allait définir le cap qu'elle comptait faire suivre à la vénérable institution. C'était le projet que les Bolkodlak avaient désormais pour ce monde secoué de toutes parts par la crise du dollar et le vacillement de l'hégémonie américaine. Se tenant bien droite derrière son pupitre, elle se mit à parler à haute et intelligible voix, afin d'être comprise par les traducteurs qui transmettaient ses propos aux participants munis d'oreillettes parce qu'ils ne comprenaient pas le russe. Grâce à la diversité et au génie divers des peuples qui la composent, dit-elle, l'humanité est devenue ce qu'elle est. Née dans la corne de l'Afrique, la civilisation a eu pour berceau la forêt tropicale d'Éthiopie et les berges hospitalières de l'Adar il y a 4 millions d'années. Après s'être dispersée sur la surface du globe et avoir survécu aux variations climatiques, l'espèce humaine a connu des cheminements différents. Les Égyptiens et les Mésopotamiens bâtirent les premières civilisations 4 000 ans avant notre ère. Ils inventèrent l'écriture. En Chine, 1 000 ans plus tard, Yu le Grand créa l'agriculture grâce à l'irrigation. Quelques siècles après, c'est à Babylone qu'Amourabi, le père guérisseur, établit les bases de la première grande autorité civile et légale. Koslov était satisfait de cette entrée en matière à visée historico-démographique qu'il savait suggérer par Gouïlev. De même, il trouva astucieuses les références géographiques. Chaque membre entendait parler de son pays ou de son continent. Bravo! La nouvelle directrice générale de l'UNESCO fit une pause au cours de cet historique qu'elle brossait à grands traits. Elle but un peu d'eau, s'épongea le front et poursuivit avec la même solennité. La vie a pris des formes variées pour se maintenir. L'être vivant a dû s'adapter ou disparaître. Nous sommes dans le cycle d'une évolution qui va de l'Australopithèque à l'Homo sapiens sapiens, avec une couleur de peau, une forme des yeux, un métabolisme lié à nos lieux de vie. Ce sont les atouts légués par nos ascendants pour assurer notre pérennité sur le territoire qui nous a vu naître. Chaque civilisation est en soi un puits de science. Voilà une source d'énergie qu'il convient de préserver. Kosloff indiqua à Gouelieff qu'il appréciait l'image de la civilisation comparée à un creuset, dans lequel chaque parcelle de l'humaine condition peut s'abreuver. Il se concentra sur la fin du discours. L'objectif du mandat que vous venez de me confier sera de protéger le patrimoine mondial contre toute forme de barbarie humaine ou matérielle. La destruction contemporaine des Bouddhas de Bamiyan ou des monuments de Palmyre, comme hier ceux de Carthage ou de Troie, me navre. Ces hordes de vandales peuvent bien saccager des trésors archéologiques et piller les grands vestiges de l'humanité. Il n'en demeure pas moins que la trace des anciens doit rester à jamais gravée dans la mémoire des hommes. Avec vous, j'instituerai des conservatoires de l'humanité. Avec vous, je lutterai contre l'uniformisation culturelle. Avec vous, dans le respect des traditions millénaires de chacun, je garantirai aux générations futures un avenir dans la diversité. Une salve d'applaudissements acheva cette première partie. Olga Gourina devait à présent répondre aux questions de la salle. Le lieutenant-colonel Ivan Kuznetsov, l'agent secret des Volkodlak, avait obtenu du KGB une fiche sur la déléguée ghanéenne Tallulah Jones et sur Olaf Ekstad, le représentant de la Norvège, deux intervenants hostiles à Olga Gourina. Elle en avait pris connaissance et se répétait le conseil de Kosloff. La seule solution, c'est d'être en mesure de répondre à tout avec autant de naturel que si tu découvrais la question. C'est Tallulah Jones qui ouvrit l'échange. Madame, certains de vos textes choquent les Africaines. Vous parlez d'excision culturelle. Avez-vous conscience de ce que l'association de ces deux mots, qui de reste s'opposent, peut avoir de révoltant? J'ai conscience de ce que signifie l'excision pour le corps d'une femme. C'est pourquoi je pense qu'aucun autre terme n'est mieux adapté pour qualifier le mal que cette mutilation provoque dans son esprit et son âme. Je ne veux pas me lancer dans une querelle terminologique. Je laisse à chacun le choix de la formule qui le ciel a mieux. Tallulah Jones voulait savoir pourquoi Olga Gourina évoquait la question de l'excision culturelle. Elle attendait une réponse claire. C'est pour moi une manière de dénoncer des pratiques qui spolient le peuple en détruisant, en dévoyant, voire en altérant sa culture. À mon sens, il y a à la fois mainmise du groupe social sur la sexualité des individus, mais aussi la volonté de contrôler ce que sont et pensent les gens. Le rêve de créer un humain standard et docile est de même nature que celui de vouloir handicaper sexuellement les femmes pour que, n'attendant rien de l'amour physique, elles n'échappent pas aux hommes qui les possèdent et qu'elles soient réduites à leur simple fonction reproductive. La déléguée ghanéenne ne cessa de dodeliner de la tête en signe de désaccord. « On m'objectera, ajouta Olga Gourina, que je ne peux pas, d'un côté, défendre les us et coutumes d'un peuple, la culture, et de l'autre, attaquer une de ses pratiques ancestrales, l'excision. Il y a là une incohérence dans mon propos. J'assume mes contradictions surtout quand il s'agit de défendre la cause des femmes en particulier, et de mes semblables en général. Je suis un être complexe, multiple et hétérogène, à l'image du Cromwell de Victor Hugo. Là s'arrêtera la comparaison. » Le vice-premier ministre trouva dans cet aveu de faiblesse toute la grandeur et la misère de l'homme. Comme Kosloff, le public fut touché par cette marque de fragilité. L'excision culturelle stérilise l'humanité, faisant de cette terre une planète de consommateurs et de moutons de panurge, poursuivit Olga Gourina. Non, madame la déléguée, cet oxymore n'est pas trop fort. Je regrette seulement de ne pas avoir trouvé une expression plus dure pour qualifier ce crime contre la connaissance et pour rendre hommage à ces femmes mutilées, mes sœurs. Olaf Ekstad prit alors le relais. Il arborait un crâne impeccablement rasé et une barbe de 3 jours. Sentant la salle acquise à la nouvelle directrice générale, il opta pour un questionnement moins agressif. La douceur n'était pourtant pas l'apanage de ce représentant de la Norvège. L'auditeur qui veut prendre connaissance de la fiche du KGB établie par Olaf Ekstad, il peut consulter les archives du Kremlin en annexe au document J. « Madame, lança-t-il de sa voix enrouée par les excès, pour ma part, c'est sur ce curieux néologisme de métisation que j'aimerais vous entendre. » Il sortit un exemplaire de Dagbladet, le principal quotidien norvégien. « Dans mon pays, les journaux vous vêtissent de l'uniforme SS et d'une cravache. Ce matin, le Dagbladet titre « Une raciste à la tête de l'UNESCO ». Il ôta ses lorgnons, déposa son journal et dit « Si je trouve le choix du photomontage contestable, en revanche, l'affirmation qui figure à la une appelle une réponse de votre part. Merci de bien vouloir éclairer notre lanterne. » Olga Gourina jeta un regard à Koslov. Elle maîtrisa son courroux et s'efforça de répondre avec le naturel qu'il lui avait conseillé. « Monsieur Eckstadt, vous qui êtes un des grands spécialistes du nazisme, il ne vous aura pas échappé que l'image d'une femme en chemise blanche, dépoitraillée, avec un brassard à croix gammée et une houssine, rappelle l'héroïne du film Ilsa, la louve des SS. Votre journal aurait pu avoir le courage de pousser sa haine primaire du russe jusqu'au bout, en s'inspirant plutôt de l'affiche du deuxième opus de cette saga de série Z, Ilsa, tigresse de Sibérie. Je suis convaincu que l'héroïne, habillée de la jupette bleu ciel et de la chapka frappée de l'étoile rouge, aurait été plus signifiante pour vos lecteurs norvégiens. » La photographie de cette une du quotidien agita les esprits. Chez les uns, elle provoqua des rires, chez les autres, elle suscita une sincère indignation. La directrice générale continua. « Jusqu'à ce jour, nul n'a taxé ma théorie ethnographique de raciste. Dans mes travaux de recherche universitaire, je distingue métissage des corps et métisation des esprits. Ne nous attardons pas sur le métissage, pour lequel il est scientifiquement admis qu'il est bénéfique puisqu'il évite la consanguinité. C'est un plus, indéniablement, pour une société. » Parlons plutôt de la métisation. Elle est, de mon point de vue, une perversion quand elle conduit, par la guerre des berceaux, à la disparition d'un peuple et de ses valeurs. Un immigré qui refuse de s'intégrer doit être refoulé. Il n'a pas à exiger que le pays d'accueil se réforme pour lui permettre de retrouver les conditions d'existence de l'État qu'il a quitté. Tout montre que l'immigré actuel, souvent rebelle dans sa patrie parce que ne pouvant imposer à ses compatriotes sa façon de voir, part en quête de territoire qu'il veut annexer. Bref, sa fuite n'est pas liée au choix d'une terre nouvelle pour obtenir le mieux-être de sa famille, comme ce fut le cas de l'immigration vers les États-Unis. Son objectif est d'arracher à ses hôtes des libertés sur mesure qui la plupart du temps lui sont refusées par ses compatriotes de naissance. Cela s'opère par des unions mixtes à contresens. L'immigré conquiert son espace vital par le mariage avec des autochtones et par les naissances qui en résultent. C'est une forme de colonialisme nuptial au long cours. J'estime que le monde est assez vaste pour que chacun cherche un asile qui lui convienne en l'état, et non en espérant le transformer. Dire cela, ce n'est pas refuser les mélanges de races. Chaque individu ne devrait émigrer que vers un pays conforme à ses attentes. Il ne doit pas chercher à le soumettre à ses propres volontés par le terrorisme. S'il ne se plie pas à cette exigence, il faut le sanctionner durement. Les Romains avaient une pratique intéressante. Adopter des enfants d'autres couples et abandonner leurs propres descendants biologiques s'ils n'avaient pas l'esprit de famille. Dans un monde ouvert, il doit en être de même. Que ceux qui n'aiment pas la nation dont ils sont issus la quittent. Qu'ils vouent leur énergie à un pays avec lequel ils se sentent des affinités. C'est la métisation qui crée le racisme, nourrit le communautarisme. C'est le nationalisme qui engendre l'entre-soi, qui tue le vivre ensemble. Je le répète, l'exception culturelle, fille du développement harmonieux d'une société, doit être protégée comme un trésor collectif. Olga Gourina fit une pause pour assembler ses notes, boire de l'eau et jeter un regard à Koslov et Gueliev afin de capter un clin d'œil d'encouragement. Ce fut alors qu'Eckstadt revint à la charge. « Madame, sauf votre respect, il y a là une forme d'apartheid. Vous plaidez pour un développement séparé de peuples à défaut d'un développement séparé des races. » Olga Gourina s'essuya la bouche avec grâce, referma sa bouteille et répondit en restant bien concentrée sur le sens de la question. « Non, reprit-elle, je ne peux pas vous laisser dire cela ainsi. Je défends la diversité des sociétés humaines. Je veux qu'elle se perpétue par l'apport d'individus qui viennent vivifier et non pourrir le corps social. Ici, en France, l'expression « français de souche » me dérange. Elle est utilisée en opposition à « immigrer ». Si un Français est dit de souche, alors il n'est promis à aucun avenir, puisque la souche est la partie de l'arbre qui reste en terre après que l'arbre eût été coupé. Elle ne redevient utile qu'une fois déracinée puis brûlée. Quelle triste perspective! Il serait beaucoup plus positif de parler d'un Français de racine, de tronc, de branche, ou mieux, de bourgeon. Cette dénomination porterait la vie, l'avenir, les promesses et la capacité qu'aurait cet arbre à aller toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort, d'autant plus attiré vers le firmament qu'il serait solide et indéracinable. En arboriculture, La greffe favorise la naissance de nouvelles pousses quand elle prend, mais déception quand elle échoue. Il en va de même pour la société des hommes. En définitive, je suis une pépiniériste de l'humaine condition. Je souhaite que tous nous joignions nos efforts dans la pratique de cette exaltante et noble tâche. » Olga Gourina marqua un arrêt, para son visage de son plus beau sourire et fit courir la main dans ses cheveux blonds avant de reprendre. « Monsieur Eckstadt, je désire à présent m'adresser à l'écrivain que vous êtes. » En France, Alexandre Dumas, père et fils, romancier connu, descendait de Marie Cécette Dumas. C'était d'ailleurs à cet esclave affranchi noir, natif de Saint-Domingue, qu'ils devaient leur nom de plume. En Russie, notre plus grand écrivain, Alexandre Pouchkine, avait pour ancêtre un Africain né sur les bords du lac Tchad, dans l'actuel Cameroun. Victime de la traite négrière des Ottomans, le garçonnet fut vendu à Constantinople à l'âge de 7 ans. Serviteur à la cour du sultan Ahmed III, il fut converti à l'islam sous le prénom d'Ibrahim. Revendu à des Russes un an plus tard, il débarqua à Moscou en 1704 pour occuper une fonction de page à la cour de Pierre Ier. Le tsar l'affranchit, le reconnut comme filleul, l'amena à se baptiser. Il prit le nom d'Abraham Petrovitch Hannibal. Libéral, mathématicien, polyglotte, importateur de la pomme de terre en Russie, il fut de son vivant le 4e personnage de l'Empire. Son descendant direct, Alexandre, avant d'être tué en duel par un Français, légua une œuvre littéraire qui renouvela profondément la littérature russe. Monsieur le délégué, sachez que ces hommes illustrent pour moi l'intégration réussie. Il n'y a pas de volonté d'apartheid dans mes écrits. J'ai l'amour de ce qu'il y a de plus beau et de plus grand dans chaque communauté. Je désire que nous protégions cette forme d'assimilation des souilleurs de la haine et de la destruction. Il était environ 13 heures quand la nouvelle directrice générale de l'UNESCO prononça ces derniers mots. Le public quitta l'auditorium et se dirigea vers le salon où un cocktail avait été servi. Kozlov se rendit dans la loge réservée à Olga Gourina, avec laquelle il avait rendez-vous pour se rendre à la salle de réception. Il dit à Andrei Goeliev qu'il se retrouverait au bar. Alors qu'il attendait paisiblement à la buvette, le démographe fut apostrophé par le délégué lituanien Mindaugas Kirevicius. Parmi les objectifs de votre compatriote, j'ai cru comprendre que vous souhaitez mettre l'accent sur la diversité culturelle et le dialogue interculturel, ce qui est de bon augure. Cet aspect est lié à une culture de la concorde. Comptez-vous œuvrer pour la paix ? Monsieur, vous étiez ambassadeur à Washington, naguère. Je me référerai donc au dictionnaire du diable de l'américain Ambrose Bierce. Pour lui, la paix dans les relations internationales est une période de duperie entre deux périodes de combat. Nous ne dupons personne puisque nous annonçons nos chantiers prioritaires, mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente, disait le chanteur français Georges Brassens. C'est bel et bien en paix que nous sommes venus et c'est pour la paix que nous avons été élus. Le délégué lituanien Mindaugas Kirevicius remercia Goeliev et se fondit dans la foule. Pierre-Olivier de Siorac, le délégué français, qui avait assisté à l'échange, s'adressa à son tour au démographe russe. J'ai lu avec intérêt votre essai sur les hérésies culturelles. Vous y présentez les cultures humaines, non pas comme des moyens d'affirmation des identités ou des nationalismes, mais comme une mosaïque de petites chandelles à protéger et à faire croître. Cela va bien avec la vision que nous, Français, avons de ce que nous nommons l'exception culturelle. J'ai en revanche plus de mal à savoir si, selon vos critères, nous sommes des hérétiques. Andrei Goeliev, amaigri par le régime qu'il s'imposait pour conserver sa ligne, marqua une pause avant de répondre. « Monsieur de Siorac, j'ai lu quelques ouvrages d'histoire qui relatent les menées conciliantes qu'a déployées votre famille pendant les guerres de religion qui, au XVIe siècle, ont ensanglanté votre pays. Chaque coterie considérait l'autre comme l'hérétique. Je vous laisse donc le soin de vous reconnaître ou non dans ce vocable. » Ce trait d'érudition forçait l'admiration du baron de Siorac de Mespèche. « Pour ma part, ajouta Andrei Goeliev, je m'inscris plutôt dans la tradition russe, celle d'Eugène Zamiatine. Il s'opposait à l'hérésie culturelle, forme archaïque de la révolution culturelle qui touche à l'Union soviétique et de manière plus drastique la Chine. Ces révolutions n'avaient de culturel que le nom. Leur objet était de réprimer toute créativité. Comme l'a dit l'un de vos grands auteurs, le monde ne vit que par les extrêmes et ne dure que par les moyens. Il ne vit que par les ultras et ne dure que par les modérés. Voilà que vous citez Paul Valéry, s'exclama le français. Andrei Goeliev acquiesça et poursuivit. les sociétés se développent grâce à ceux qui s'en écartent. L'hérétique, terme pris au sens large, est celui qui rejette le présent insatisfaisant. Il est l'éclaireur d'une voie nouvelle dans les sciences, les arts, les relations sociales. Le philosophe Bergson dirait qu'il est dans l'élan vital. Il entretient la flamme du progrès. Il dispose de la clé qui ouvre la porte dérobée quand le chemin semble sans issue. Ravi par la réponse et conquis par la culture de ce quadragénaire au buste long et jambes courtes, le baron Pierre-Olivier de Siorac de Mespèche s'empressa de saluer son interlocuteur lorsqu'il vit arriver le vice-premier ministre Kosloff et la nouvelle directrice générale de l'UNESCO. Tout en trinquant, Kosloff lui prodigua quelques conseils. Gueliev la félicita pour sa séance des questions. Tous deux lui souhaitèrent bon courage. Le vice-premier ministre s'excusa de devoir la quitter. Un avion l'attendait à Roissy pour se rendre à Moscou. La phase 1, opération piège à ours, concernant l'oblast de Kemerovo, exigeait sa présence au Kremlin auprès du commandant Andrei Berkotourov, le stratège du plan de guerre, contre le président tokaristanais Youssouf Imadedinov.